un avantage. Mon rap un avant-goût, la rue, mon dégoût, mon regret, les jaloux. La rue ne t'en donne davantage que de règlements, de comptes, de paroles. Il faut tout de suite frapper, tout le monde est dans le doute pour voir combien ça coûte. La crise nous met la haine, trop de gens maintenant ont la flemme d'aller travailler pendant que beaucoup de gens sont là sur leur divan, occupés de changer de chaîne.